Quand on est, je délivre du péché. sombrero amène la bandeja de libre dit libre du péché qui décrit amène que de chant on est à cette sombrero. Il faudrait avoir pressentiment. Chanter dans l'esprit du compositeur du chant. Et se projeter pour voir ce moment où les rachetés seront rassemblés. Dans cette dimension bientôt. Les offres de la terre resteront. Les frustrations, les contradictions, les injustices, les assassinats, la fraude minière, les minerais de sang, et n'importe quoi, restez là. Nous hériterons un royaume inébranlable. Là où habitera la justice et la paix. Le Seigneur notre Dieu sera roi de toute la terre. Il gagnera avec ses rachetés. Seulement ses rachetés. Rassembla ses rachetés. Rien que ses rachetés. Et il a dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pas marqué. Christ le reniera. Il lui dira ouvertement que je ne te connais pas. Il est temps de nous apprêter. Car au temps marqué, que nous soyons prêts ou pas. La venue du Seigneur à l'enlèvement s'accomplira au temps marqué. Que toi tu sois prêt ou pas, quand le temps de nous arrivera, ça se fera. Tirons les conséquences. Et quand nous chantons comme ceci, il faut de vrais pressentiments. Comme ressentent les compositeurs de ce chant. Quand les rachetés s'y rassembleront. Parce qu'il a pensé à l'enlèvement vers notre maison bénie d'en haut. Combien nous chanterons l'hymne céleste dans cette ville-là. Et quand les rachetés s'y rassembleront, comme neige libre. Et des cris y aura, et des chants y aura, quand les rachetés s'y assembleront, n'auront ni démons, ni Satan, ni maladie, ni vieillesse, ni la mort, ni douleur, ni séparation, tout sera bonheur éternel. Rendez-vous là-bas, soyez prêts pour là. Il est temps de se préparer. Là, il y aura un grand défilé dans les rues pavillonnaires. Et c'est aussi vrai. Un grand défilé dans les rues pavillonnaires. Les combattants de la foi. Ils seront récompensés. Ils seront à l'honneur. Ils passeront les troupes en revue. Et le grand roi Jésus sera là pour toi. Notre adoration. Oh, quelle musique, oh, quel chant. Voilà, nous réunirons là dans la ville. Quand les rachetés s'y assembleront, les saints chanteront la rédemption à vivre et autres voix. Les anges l'écouteront seulement, ne pouvant pas la chanter. Que pour chanter le cantique de Moïse, il faut avoir suivi le message de Moïse. Avoir appris le message de Moïse et avoir appris le cantique par Moïse. Et pour chanter le cantique de l'agneau, il faut avoir cru à l'agneau, avoir été enseigné par l'agneau, être racheté par l'agneau. Alors nous chanterons le cantique de l'agneau à la gloire de l'agneau rédempteur. Il n'est pas venu secourir les anges, mais il est venu secourir les fils et les filles. Ils chanteront le cantique de l'agneau. Et Le Sauveur donnera l'ordre de préparer le peuple. Vous entendrez son appel. Venez, vous, les bénis du Seigneur. Quel bonheur que d'être de ce nombre-là. Quel privilège que d'entendre cet appel-là. Alors que les autres n'en sauront rien du tout. Nous continuerons avec ce monde pourri. Avec des conversations pourries. La politique pourrie. Les gouvernements pourris. Les politiciens pourris. Mais il y a un royaume éternel qui vient. C'est ce qui fait notre joie. Séparons-nous du monde maintenant. Répentons-nous de nos péchés. Invoquons Dieu tandis qu'il est prêt. Cherchons la face de tous les jours. Recherchons l'amour parfait. Arrêtons de raconter n'importe quoi. Contrôlons notre langage. Faisons les choses utiles. Restons le temps précieux. Fuyons les distractions. Toutes les conneries du Congo. Les conneries des Africains. Les conneries des Européens, des Asiatiques. Les conneries des Américains. Fuyons tout cela. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous tenons devant toi au nom de Jésus-Christ, d'abord pour t'adorer, te remercier, bénir ton nom, t'élever, te sanctifier, t'honorer, t'écouter, t'obéir, et te rassembler. Nous voulons devenir comme toi. Être pieux. Avoir la piété. Être comme Dieu. C'est le cri de nos cœurs. De sorte que ce qui se rassemble se rassemblera. Que nous puissions nous rassembler avec toi. Pour nous rassembler à toi. Écoute le cri de chaque cœur, de chaque âme en détresse, de chaque homme assoiffé du Dieu vivant, et guéri et répond, bénit et change, soulage et libère, lâche les boucliers pour protéger, contre les courroux des démons, la colère du diable, roi notre rempart tous les jours. Le bouclier infranchissable. Parle à chacun au nom de Jésus. Et guéris chaque maladie. Chasse la douleur de nos corps. Donne la paix totale. Dans les articulations. Dans les os. Dans les muscles. Dans la tête. Dans le ventre. Dans la poitrine. Dans les pieds, dans les mains, mais la paix totale et la joie du salut. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Agis encore puissamment ce matin. Réveille notre foi. Brise l'incrédulité. Chasse les ténèbres. Et c'est la certitude et tout. Nous sommes en nom de Jésus-Christ. Parle à chacun. Et dépouille-nous. Et pour ta gloire éternelle. Amen, amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons lire la sainte parole de Dieu. Dans Ézéchiel au chapitre 13. C'est l'Ancien Testament. Ézéchiel au chapitre 13. Nous prenons le verset 1 à 7. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas monté devant les brèches. Vous n'avez pas entouré des murs la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés. Ils font espérer que leurs paroles s'accompliront. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. Mwana na moto, sakola etai na basakoli na Israele. Ba oyo, bako sakola ka. Polo vila bango, bako sakola ka na mitema na bango penza ete. Boyoka ilobana yawe. Kolo yawe alodibu ete. Mara etai na basakoli na zoba. Ba oyo, ba kubila ka molimo na bango penza. Nde, ba moni likambote. Yo Israele. Basakoli na bino, bajalaki koloba bikange na kati na libebi. Libebi laki, lokola bikange na kati na libebi. Bino, botelemaki liboso na nzela ibukani na etutu te. Pe, botelaki etutu po na ndako na Israele te. Ete bakota kotelemela na etumba na mokolo na yawe. Bumoni na lina bango bujalaki penza, bujalaki pamba, pe basakoli na bango bajalaki lokuta. Bako sakola ka ete, yawe alobibwe, ata yawe atindaki bango te. Pe bango bajali na elika ete, monoko na bango ekolengi sama. Bino, bimoni, bimono na lipe pamba. Te, pe balobi kosakola na lokuta te. Bolobi ete yawe alobibwe atangai na lobite. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15 à 17. Kanali boso ya Thessalonika mokapamine verset 15 à 17. Zomi na mitano kino zomi na sambo. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Biso bato na bomoi ba oyo totikali kino komonana na nkolo, tokoleka liboso na balali te. Ete nkolo ye moko akokita longa na likolo na konganga makasi, mpe na mongongo na bafolo na banje, mpe na kobeta na mondulu na nzambe, mpe bakufi kati na Kristo bakosekwa liboso. Na nsima, biso bato na bomoi ba oyo totikali, tokonetwa kati na mapata mpo na kozwama na nkolo kati na mopepe, esika moko na bango, pe bongo tokozala libela esika moko na kolo. Matthieu chapitre 3, verset 11 et 12. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoyera son air, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Là, il a baptisé une main pour la kubongwa na namotema. Yo ya kuyasi manangai, alekingai na nguya. Na bongi kukunda sapato na yeti, yewana akubati sabino na molimo mosantu pe na moto. Ajali na epupeli, kati na luboko na ye, pe akupeto la epitelo na ye, pe akuyanga nisa masango na ye na ebombolo. Nde akujiki samatiti na moto, moto jimama, pe. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Et veuillez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Nous souhaitons à chaque âme bienvenue à la table du Seigneur. Ici, dans la maison de Dieu, en paix et dans l'humilité. Que la présence de Dieu remplisse nos cœurs de joie. Et que ses promesses rassurent notre foi. Avons-nous dit encore que Dieu vous bénisse? Avons-nous la joie de la maison de Dieu? Sommes-nous heureux d'être connus de lui? Même pas trop que nous le connaissons. Nous cherchons d'ailleurs à les connaître. Nous venons pour apprendre à les connaître. Nous ne prétendons même pas mieux les connaître. Nous les connaissons que peu. Parce que Dieu a dit que ceux d'entre le peuple au temps de la fin connaîtront les réseaux de plus grands exploits. Donc tant que nous ne faisons pas de plus grands exploits, nous ne pouvons pas bomber les forces de les connaître. N'est-ce pas la Sainte-Écriture elle-même? Lorsque nous nous examinons dans les miroirs de la parole, nous ne pouvons pas bomber les forces, aller impressionner nos voisins, amis et connaissances. Moi je crois ce message, je connais Dieu plus que tu peux aller intimider ceux qui ne connaissent pas autant de vérité. Mais quand tu rentres en toi-même et que tu te compares devant les miroirs de la parole parfaite, elle dévoile tes imperfections, elle dévoile tes insuffisances, ton identité sans insignifiant. Mais devant les autres, tu peux bavarder. Et devant Dieu, on sent qu'on n'est rien. Quand ceux d'entre le peuple, en sautant de la fin, connaîtront leur Dieu, feront de plus grands exploits. Je ne sais pas dans ta vie à toi, tu comptes combien de plus grands exploits à cause de la connaissance de ton Dieu. Car ici, il n'y en a que peu. Vous allez manquer vos bénés. C'est que tu le connais que peu. Mais s'il y en a beaucoup, c'est que tu connais Dieu beaucoup. Mais s'il y en a même pas, aucun espoir. Vous avez été immergé dans l'eau, baptisé au nom de Jésus-Christ, jusqu'à ce jour-ci. Peux-tu compter un grand exploit que ta foi a réalisé? Selon la parole, pas selon les illusions personnelles. Peux-tu compter combien de grands exploits depuis que tu as pris l'engagement de croire ce message, en prenant le baptême au nom de Jésus-Christ, jusqu'à présent, repasse un peu en revue ta vie. Combien d'exploits? Le critère, c'est ceux d'entre le peuple qui connaîtront leur Dieu feront de plus grands exploits. Toi, tu en as combien? Et le psalmiste David a dit dans le psaume, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Maintenant, quels sont ces exploits-là si tu as Dieu? Donc, tu regardes et tu vois vraiment que, Il y a quatre. Bilan, rendement spirituel, piaka. Donc, exploit, quatre. Mais alors, pourquoi bomber les torts, c'est dire que je connais Dieu? Non, cherchons à le connaître. Oser l'a dit et l'humilité nous l'oblige. Dans Oser au chapitre 6, je vous le rappelle, c'est pas tout nouveau. Verset 3. Oser 6, verset 3. La première phrase, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. La sincérité veut qu'il en soit ici. Quand tu te compares, tu te mesures dans la balance de Dieu qui est la parole, et qu'elle dévoile tous tes défauts, tes insuffisances, ne prends plus les torts et ne bavarde de plus trop. Il est bon pour l'homme, dit la Bible, d'attendre en silence le secours de Dieu. Fanda kimia zele lisungi na zambi. Tango ya kusala muno kuna yu sumama. Tango sato la bikamo na hii. Mekai ya napa. Garde un profil ba. Mitala bubeni na zelenga kubiki tala sepenza. Ici, dans Daniel 11, verset 32. Awa, na Daniel les hommes na moko. C'est ce que nous cessons de répéter ici là. Tukumi bale, tukumi satrami bale. Et le sédura par des flatteries. Les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La monokona elengi akokosa baoyo basopi kondimana. Ne baoyo bayobi nzambe na bango bakotele mangu mpe bakoleka. Et c'est ça. Voilà. Bakotele mangu mpe bakoleka. Ils agiront avec fermeté. Et chaque fois que Frère Branham se réfère à cette promesse ici, comme cela est rendu dans les autres traductions, il dit ceux d'entre le peuple qui connaîtront leur Dieu verront des plus grands exploits. Et ce sont ces exploits-là qui vont affermir leur langage. Mais quand ils diront que je connais Dieu, ça ne sera pas une bantardise, mais ce sera tout un bilan, un rendement. C'est un étalage de témoignages, mon frère. De réalisation de la parole dans la vie de foi de cet homme. Des plus grands exploits qui affermiront votre façon d'agir. Et vous donneront plus de fermeté dans l'agissement. Ceux d'entre le peuple qui connaîtront leur Dieu. Leur Dieu là accomplira par eux de grands exploits. Et ces exploits affermiront leur langage. Affermiront leur position. Affermiront leur témoignage. Mais montreront qu'ils connaissent Dieu. Voyez-vous le lien entre les deux façons de traduire le même verset? Dans ce sens, ils agiront avec fermeté, ceux-là connaîtront leur Dieu. Dans ce sens, ils feront des plus grands exploits. Voilà pourquoi nous disons, gardez le profil bas. Ne soyez pas si sûr par vous-même. En train de raconter n'importe quoi. Laissez Dieu prouver ce que vous êtes. Laissez Dieu confirmer qu'il est avec vous. Par des signes et des miracles qu'opérera sa main puissante. Ils feront taire tous vos ennemis. Lui a dit, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Et Moïse a dit, ce n'est pas vous qui combattrez, mais c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Il a dit, tenez-vous tranquille et voyez la délivrance que l'Éternel vous apportera. Il est pour nous un Dieu des délivrances. Mais je ne sens pas que tout le monde soit au diapason ici. Hein? Il y a certains qui essayent de douter, de c'est une affaire d'amour de Dieu. Dieu nous aime. Et sa parole vient jusqu'à nous. Pour nous prier, pour nous former. Moi, je refuse l'incrédulité. Moi, j'ai choisi la foi. Mais Dieu est celui qui suscite la foi. Et il est celui qui l'amènera à la perfection. Il est celui qui affermira notre foi. Alors, si l'on me dit que je ne le connais pas encore, je garde le Si l'on me dit que je ne le connais pas encore, pas ce cheminement. Mais je m'abandonnerai à lui, je le dis. Si ce pain n'a pas tout le temps, et chaque fois, Seigneur, viens au secours. Délivre-moi, seul toi peux le faire. Que celui qui en dit amen. Ces exploits doivent se multiplier. Et c'est important de les manifester. Alors connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Si nous le connaissons, alors cherchons quoi à le connaître. Si nous le connaissons un peu, cherchons à le connaître davantage. Donc, nous ne pouvons pas avoir un langage arrogant ou autosuffisant. Mais nous gardons le profil bas. Car Dieu a dit que nous sommes humbles. Nous devons être humbles. Psaume 60. Verset 13 et 14. Fait-elle et l'alignement des versets dans votre Bible aussi. Hein? Parce qu'ici, il y a des fois des changements d'alignement des versets. Donc, il y a une traduction de l'autre. Et c'est chez moi, c'est le verset 13 et 14. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Sunga bifora tango ya pasi, zambi, zambis akosunga bato bajali eloku pamba, na zambi elongoto kusala na mpiku. Ye akoniatela baini na biso makolo. Akoniatela. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est l'espérance bénie de ceux qui ont la foi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Même si dans mon passé, il n'y en a aucun. Même si dans le temps présent, il n'y en a aucun. Mais parce que celui qui m'a appelé est celui qui suscite la foi et qui l'amènera à la perfection. Parce que celui qui me parle est celui qui produit la foi. Je refuse l'incrédulité. J'ai choisi la foi qu'il m'offre. La foi que l'évangile me propose. La foi abondante et la foi prospère. Non pas une foi chaotique, une foi de chaque. Mais j'ai choisi la foi abondante. Et la foi qui prospère. Pour dire comme la Bible dit. Avec Dieu. Je suis du nombre de ceux-là. Nous ferons des exploits. Et lui Dieu. Il écrasera. Nos ennemis. Les ennemis à moi et les ennemis de mes frères. Les ennemis visibles et les ennemis invisibles. Les ennemis innombrables et les ennemis maîtrisables. Notre Dieu les écrase. Ayant la foi d'Israël, peuple de Dieu, à qui Dieu avait promis encore ceci, hein? C'est toujours vrai. Exode 23. Verset 23. Et il dit ceci. Mon ange marchera devant toi. Et te conduira chez les Amoréens, les Éthiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. Et je les exterminerai. Moi je n'en ai à côté de la vie de Dieu, peu à côté de la vie de Païna, Bamola, peu Baïti, peu Bapolisi, peu Bakanama, peu Baoui, peu Bayebusi. Dans le passé, vous êtes découragé. Mais ce que Dieu appelle et ce que Dieu conduit ne sont pas censés marcher en regardant dans le passé. Mais oublions ce qui est passé. et nous nous portons vers ce qui est à venir. Vous allez communier, mon ami, j'allais courir. Car devant il y a Dieu. Libération est allée dans un mais. Au bout du voyage il y a Dieu. Tout comme avec nos enfants. À la fin du chemin il y a Jésus-Christ. Tout comme avec nos enfants. Et quand c'est lui qui t'appelle. Ça l'a fait combien de fois. Venez à moi. Vous y avez pas une engueulade. Il y a des choses qui te découragent. Je ne m'accorde pas. Des choses qui t'embrouillent. À tant que des choses qui te fatiguent. À tant que les vitres. Appelez, ignorez. Angola, Angola, Angola, Angola. Ça l'a mis sur la table. Pour l'itinéraire. À tout comme avec là-bas, un jour il marchait avec les disciples. Il a fait le grand miracle. C'était un exploit. Il a fait du pain après. Il a fait du pain à partir de quoi? Il a dit qu'ils étaient dans la grande fête de Sangou. On vit un grand exploit de Dieu. Mais la journée passée, cet exploit entrait déjà dans l'histoire. Là, ça devenait déjà du passé. Ouais, car ce n'était plus le présent. Dès que le soleil se couchait, cette journée était terminée et ne devait plus revenir. La journée-là est passée avec son contenu miraculeux. Il a vécu, c'est vrai. Live, c'est vrai. Il faut parler comme témoignage d'un vrai, c'est vrai. Les épreuves à venir étaient encore là. Facile, les épreuves à se poursuivre. Il ne fallait pas se figer dans le passé. Il fallait savoir que la marche se poursuit. Et que tu as écrasé hier, il faut venir au tremblement. Alors ne sois pas braqué dans le passé. Regardez les défauts. Il arrive que nos témoignages des fois deviennent des distractions. Mais pour ça, il peut arriver que nos témoignages chrétiens deviennent des distractions. Parce que cette église et plusieurs dénominations sont dénominées. Le temps des témoignages, ils disent, Jésus a dit qu'on soit des témoins. Oui, c'est bien. Ah, mais après, ils viennent pour le culte, on ne donne plus beaucoup de place à la parole. Ah, pour la, les qui s'en ont fait, pendant beaucoup de temps, c'est l'intitulé parmi les Milongo. Oh, bah, les Kotisa, Kabaka. Après, ils entendent même les chants. Bah, qui n'a pas coûté, bah, le même mot. Pesa, pesa. Pesa, au pambo la main. Pesa, et puis ils sont là dans la folie. Bah, hein? Bah, parce que les nécessités à donner. Pesa, au pambo la main. Pesa, comme des fous. Voilà, ça, ils prennent beaucoup de temps. Voilà, bah, vous t'en avez une. La danse prend presque une heure. La prédication ne durera que 5-10 minutes. Et le témoignage va prendre 3 heures. Notre frère Laval, vous pouvez témoigner. Allez, prenez le micro. Il n'a pas fini. Il fait plus. Allez, louange, acclamons le Seigneur. Voilà tout ce qu'il faut. Et pendant qu'il faut tous ces théâtres, le diable les a déjà envahis et les a voilés par rapport à l'évangile. Il leur a fait oublier que l'église de Dieu, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Dans l'église, c'est la vérité qui doit prendre le grand temps. C'est la parole qui doit prédominer. Et le diable les a aveuglés complètement. Pas que même des témoignages insensés, on raconte même des bêtises au nom de Dieu. Parce qu'il ne s'intéresse pas à la parole, c'est toujours Dieu qui a parlé. Il faut que les témoignages soient les disciples. Ils après avoir marché avec Jésus, le jour où il a créé du pain, il a multiplié du poisson. C'était la création. Il a coqué la main. Au multiple. Après avoir fait ça, il les a abandonnés. Il est allé à la montagne pour la prière. Il les a laissés physiquement seuls. Et du haut de la montagne, il les a observés. Comment ils allaient faire la nuit? Durer la nuit. Voilà, ils étaient dans les bateaux là. Voilà, Il y avait les témoignages amers. Donc l'impact de ce qu'il venait de vivre la journée. Chacun s'empressait pour rendre témoignage. Il veut parler. Ils n'ont pas remarqué que les ennemis étaient déjà sous trois. Ils voulaient lancer l'assaut final. Mais ils vont dire, mais voyez. Il témoigne, mais les démons sont la pêche et chacun. Vous avez témoigné de ce que Dieu a fait dans le passé. La journée est déjà passée, nous sommes. S'il est avec vous, qu'il fasse la même chose. Nous allons vous tester. Ils se sont dit, écoutez, voyons s'ils ne vont pas oublier leur témoignage. S'ils ne vont pas oublier leur Seigneur. S'ils vont encore parler de lui. Et la secousse, une rafale s'est déclenchée. Un grand vent a débuté. Les disciples étaient en déséquilibre parce que la parole était soulevée et puis ramenée sur la terre. Personne capable d'exercer son frère. Ceux-là qui venaient de voir le grand miracle, hein, en plein bruit, la nuit même, ils ont oublié tout ce qu'ils racontaient. Chacun a voulu compter sur les efforts de ses bras. Oubliant qu'en temps de détresse, il faut appeler Jésus. Personne n'a exhorté, incité à prier. Ils ont condamné. Sur la mat, regardez dans cette condition où ils étaient troublés. Hein? De voir un être fantomatique. Comment on a vers la quatrième veille de la nuit. Voilà, na, c'est la mine yabutu. Faire quelque chose d'inhabituel. En train de marcher sur les eaux, comme une ombre qui venait. Alors que les démons les entouraient de près. Voilà, bah, démon, la aucun n'a vu les démons. Personne n'a chassé les démons. Personne n'a invoqué le Seigneur. Mais ils se sont livrés à la gymnastique. Mais là, quand le vrai Seigneur s'approche de eux, oh, la peur était au zénith. Wana, Bobangi, et maintenant qu'il a entendu le Seigneur, il a crié à l'homme. Il veut le voir, il va engager ma passe. Oh, mon goût, il y a un fantôme encore qui vient. C'est un fantôme. Allez, encore, il est juste, essayez. Alors, frère, Barthélemy dit, vous n'arrivez pas. S'il vous plaît, réanimez-moi. Je vous prie de prendre ma passe ici. Oh, boy, Zam, de prendre les scripts sur ma capa, boy. Oh, mais est-ce qu'on va s'en sortir? Aidez-moi, s'il vous plaît. Ne sortez plus. Oui, il s'est couché là. Voilà, mirale, il s'est couché. Et j'ai dit, mais écoutez, quelque part, il peut toujours venir, non? Et si ça, on va plus courir. Ayez courage. Vous avez bien un petit peu. Mais toi, Jean, là, oui, oui, oui, voilà. Tu rêves quoi? Vous allez connaître ça. Vous allez connaître ça. Vous allez connaître ça. Vous allez connaître ça. Vous allez connaître ça. Vous allez connaître ça. Vous allez connaître ça. Jésus leur parle. Il dit, c'est moi. Mais il n'y a pas peur. Alors, fils, écoute. Oui, Seigneur. Le Seigneur était déjà mort. Depuis qu'il s'est séparé de nous. Pour devenir un revenant. Dès qu'on venait, il s'est séparé le soir ici. Et comment il a pris l'aspect d'un fantôme? Il y a des fois les épreuves qui vous font oublier les vérités élémentaires de la parole. Et vous amènent à agir comme des insensés. Alors vous oubliez que celui qui a créé du pain, c'est le créateur. Et que le créateur au commencement, son esprit se mouvait au-dessus de vous. Personne n'y a passé là. Que le même créateur qui avait créé du pain, c'est celui dont l'écriture dit, au commencement, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus de vous. Mais ils n'ont dit que l'aspect fantomatique. Ils sont même oubliés que Jésus est encore vivant. Voyez jusqu'où les épreuves peuvent plonger vos pensées. Dans les ténèbres et l'obscurité totale. Et vous vous mettez à parler exprimant l'incrédulité. Et l'ignorance, dit Seigneur. Ne faites pas ça. ne faites pas ça. Qu'a-t-il fait? Il a dit chez moi. Et Pierre dit aux amis, moi je veux lui parler. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne le faire. En marchant sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Donc d'un côté il s'est dit, il me tire de cette affaire, hein. Maintenant c'est chacun pour soi, hein. Ah, oui, tout le monde est longu, mai, vous pouvez, somo, le col a été signé après ce chasse la bima. Bande de Gouana, nous tournons mouton qui peut en benaï. Et il y a un mot de mouton qui s'exploite en benaï. Pierre s'est dit, malgré les autres, je sors. N'a pas maintenant la bicycle passe au boulot. Eux, ils ont dit qu'il y a un peu de incertitude. N'a qu'un nan. Donc là, il a pris. Je pars. Azoubi nous a passé. Dès qu'il regarde maintenant les jours, il a oublié que celui qui lui a dit de venir a le pouvoir de créer le pain. Et que ça venait de se passer la veille même. La journée qui a pris. Il regarde l'eau. Il regarde autour, il n'y a plus aucun frère. Personne avec qui parlait. Pour s'encourager, on peut se rassurer. Nous sommes encore sur la terre de l'équipe. Il regarde l'eau. Atalimayo. Regarde la barre qui est restée. Atalimayo. Regarde Jésus qui est encore là. Ah, mais quelle aventure j'ai pour moi. Qui m'a trompé pour suivre? C'est quoi? Les malades, ce n'est pas le soutien. Ah ouais, on a les j'appelle les frères, mais les frères sont les frères de l'invité. Mais j'ai vu, il est encore là. Ah, c'est mieux. Seigneur, je m'approche. Mais allez, comment tu dis ça? Au secours, Seigneur. Alors le Seigneur, il a tendu sa main. Il est écrit que sa main n'est pas courte pour nous. Cette distance qui était si grande, qui a provoqué une paire bleue de pierres, le Seigneur l'a traversé en une seconde. Il n'est pas loin de chacun de nous. Même si les épreuves vous en convainquent. Dieu est loin. Même si la souffrance profonde vous convainc, Dieu est loin. Mais la parole de vérité, Christ dit ceci. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Et il est fidèle à sa parole. Il fera ce qu'il a écrit. Sa main n'est pas courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Dieu est miséricordieux. Il a sauvé non seulement Pierre qui était dans le château. Il l'a tenu par la main. Il l'a ramené parmi ses frères. Toi, tu veux être fort tout seul? Non, le sang de Jésus a inauguré la communion. Le sang de Jésus a brisé les murs de séparation. Le sang de Jésus et sa croix ont détruit l'inimitié. Nous devons marcher ensemble, frère. Tu aimeras ton frère comme tu t'aimes toi. C'est un commandement nouveau que le Seigneur a donné. C'est un commandement ancien dans la parole de Christ. L'amour de ton frère. Que Dieu te bénisse. Peux-tu comprendre ça? Que Dieu te bénisse. Jésus l'a ramené dans la bergerie. Parce que bien que physiquement loin, il demeurait le berger de cette bergerie. Bien que physiquement absent dans la barque, il demeurait le berger de cette bergerie. Qui était dans la main. Même si vous ne le voyez pas encore, attends, il est le berger de cette bergerie. Notre souverain berger, il l'est en vérité. Croyez et sachez-le, et souvenez-vous-en tout le temps. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Voyez l'exploit de Pierre. Qui s'est ajouté à l'exploit du pain et des miracles vécu là-bas. Pour Pierre, c'était un exploit de courte durée. On a fait les amis, mais pour Jésus qui connaissait son Père. On a et qui était lui-même Dieu devenu homme. C'était un exploit de longue durée. Il n'a jamais flotté. Même pas une tentative d'enfoncement de l'eau. Il a marché sur l'eau d'un pas ferme jusqu'à la main. Mais Pierre qui était débutant en la matière, il a marché pendant un peu de temps. Tant que sa foi fonctionnait, mais dès que le doute a repris la place, il a commencé à sombrer. Mais le Seigneur a été sur ses côtés. Il fait secourir la foi. Savez-vous que dans son passé, Pierre n'avait jamais marché sur les eaux? Mais après cela, il pouvait raconter à ses amis, j'ai quand même marché sur les eaux. Mais ce n'était pas beaucoup de mètres. Mais j'ai quand même marché sur les eaux. Il y amène à la vérité. Ça commence comme ça. Et Dieu va performer. Il va me livrer la qualité de ses miracles. Nous aimons les choses de Dieu, non? Même la peur, celle de votre ennemi, parce que Jésus peut l'écraser. Surtout nous qui attendons l'enlèvement. Nous devons bannir la peur. La peur face à la maladie du corps. La peur face aux démons qui tourmentent l'esprit est là. Vous n'avez pas de panique. Un jour bientôt, nous serons enlevés. Et pour être enlevés, vous devez avoir assez de foi qui vaincra la loi naturelle de la pesanteur. Et la pesanteur ne vous retiendra pas. L'oiseau a des ailes, comme un grâce au mouvement de ses ailes, il peut monter. Parce qu'il a été créé avec des ailes. L'avion a des moteurs. Et grâce à la puissance des moteurs, vaincre la pesanteur et monter. Mais l'homme n'a ni les ailes, ni les moteurs. Si ton corps est jeté en l'air, il retombera au sol. Mais il faut une puissance dans l'eau. La dynamique du Saint-Esprit. La puissance de résurrection. Qui peut changer un cadavre en un homme vivant. Il faut que vous en soyez remplis. Pour que vous vainquiez la pesanteur. Et que par cette puissance surnaturelle, vous montiez là-haut. Amen. Amen. C'est dans un temps bientôt, le temps des rassemblements, le temps du rassemblement des élus dans le grenier de Dieu, le temps des rassemblements, ce temps approche. Nous lisons Frère Branham, que vous aimez et que nous croyons. Vous êtes un vrai prophète envoyé de Dieu qui annonce la parole de la Bible. Nous pouvons lire quelque chose ici. Dans la prédication, l'Église s'en ira-t-elle avant la tribulation? C'est une question. L'Église s'en ira-t-elle avant la tribulation? Le 9 mars 1978, paragraphe 21. Elle est belle car le Seigneur Jésus vient bientôt pour son Église. Et ça, C'est la plus belle pensée que toute créature de Dieu puisse avoir à l'esprit. Sortir de ce chaos pour rentrer dans sa gloire bénie. La plus belle pensée que toute créature de Dieu devrait avoir. Le Seigneur Jésus vient bientôt pour son église. Et là où les personnes âgées rajeuniront. Et où les malades seront à jamais en bonne santé. Il n'y aura plus de tristesse ni chagrin. N'est-ce pas là la chose la plus belle à laquelle je puisse parler? Heureux ceux qui attendent ce temps de rassemblement. Ils sont heureux, ceux-là qui attendent ce temps de rassembler. Ils sont bénis, ceux-là qui attendent ce temps de rassembler. La meilleure pensée que vous puissiez avoir, au lieu de convoiter, jalouser, critiquer, haïr, mépriser, dénigrer les gens, ne voir que le mal des autres. Développez plutôt cette plus belle pensée. Le Seigneur Jésus revient bientôt pour son église. Et à ce moment-là, il nous sortira de ce chaos. Comme il avait sorti Pierre de la bergerie agitée. On a pas eu à pied la turbulence. On a cette barque là agitée. Pour lui proposer un exploit. On a compris ça. Avant de le ramener à ses frères. Mais dans la paix. Dans une barque apaisée. Dans l'amour. Il te sortira de ce chaos. Tu auras l'impression de partir seul. Mais il te réunira à tes frères et sœurs. D'autres vivants qui seront transmis pour le corps. Et les morts en Christ qui seront ressuscités. Comme nous l'avons entendu vendredi. Voyez là. La résurrection aura lieu avant le changement de nos corps. Et il y a un temps de rassemblement. Et le Seigneur a promis de faire trois choses. Comme nous l'avons effleuré vendredi. Donc il y a eu certaines préoccupations venant de nous. C'est en fait que nous changeons le sujet de prédication ce matin. Pour ajouter encore ce peu de mots que nous mettons ici. À ce temps de rassemblement. Sous le cri du rassemblement. Le cri de commandement. Est un cri de rassemblement. Heureux ceux qui attendent ce temps de rassemblement. Êtes-vous là? Et les trois choses que le Seigneur fera, c'est le cri de commandement, la voix d'archange, et les sons de la trompette de Dieu. Le Seigneur fera cela. On va le répéter encore ce matin avec quelques références en appui du prophète envoyé pour préparer le retour de Christ. Dans la prédication, nous voulions voir Jésus prêché le 12 juillet 1962 paragraphe 424 et le dit ceci: messieurs, nous voudrions voir Jésus. Qu'y a-t-il de plus si un homme venait ici avec le sang sur lui? Et des cicatrices et des coups. Et des choses. Jésus, quand il viendra, chaque œil le verra. Chaque genou fléchira. Et toute langue confessera quand le corps de Jésus reviendra. Suivez ceci. Je crois dans sa venue littérale. Le corps physique. Le corps physique. Qui descendra des cieux. Avec le cri de commandement. avec la voix d'archange et la trompette de Dieu. Le messager croit ça comme ça. Chacun de nous, vous, église, nous devons croire ça. Ça a venu quoi? Littéralement. Le corps physique. Non pas que c'est le corps de Branham qui a remplacé le corps de Jésus. Le corps physique de Jésus-Christ et de Jésus-Christ. Là au ciel. Et ce corps-là reviendra littéralement. William Branham. Et vous, Église, croyez ça. Ne développez pas votre propre foi. Ne recevez la foi que le message restaure. Je crois en sa venue littérale. Le corps physique. Qui descendra de Dieu. Avec quoi? Avec le cri de commandement. Avec la voix de l'archange. Et la trompette de Dieu. Donc il descendra du ciel avec les trois choses. Et les morts en Christ ressusciteront. Mais son esprit est ici avec nous. Pendant que nous attendons sa venue littérale, avec les trois choses mentionnées, dans le verset 4, verset 5, et dans les minutes de prédication du prophète Branham, les trois choses que Jésus doit faire sont mentionnées. En attendant cela, l'Esprit de Jésus-Christ est avec nous. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Et de même que l'église, comme la pyramide, arrive à un point, et si l'église, par les jours de Luther, les jours de Wesley, les jours de la Pentecôte, et maintenant juste avant que la pierre de fête revienne, cette église doit être aiguisée si parfaitement. Que le même ministère qu'il avait ici, son même esprit, si prééminent, ramènera le même corps tout droit dedans et ressuscitera la chose entière. C'est exactement cela. Amen. Gloire à Dieu. Que voyez-vous, bien-aimé? Alors, le prophète annonce le bonheur, la bénédiction sur ceux qui attendent le temps du rassemblement. Et le temps du rassemblement coïncidant avec la venue du Seigneur pour son Église. Par le ramassis de toute espèce de foi. Si bien nous continuons à croire n'importe quoi, n'importe quel système, le rassemblement des élus. Quand le Seigneur a promis dans Matthieu chapitre 11, il a son van à la main. Il amassera. Le blé, son blé dans le grain. Et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Le blé, c'est la semence originale. La paille, mais c'est ces herbes-là qui enveloppent le blé, mais qui ne sont destinées à rien. Que le laboureur ne pourra ni recycler, ni planter à nouveau, ni espérer quoi que ce soit de belle. C'est la paille. Si j'avais du maïs ici, j'allais vous donner la meilleure illustration. Malheureusement, je ne savais pas que j'allais parler de ça ici. Je n'ai pas pris la précaution d'acheter du maïs pour venir vous prêcher avec ça. On vous montrera la paille, c'est quoi? Et le grain, c'est quoi? Maintenant, je suis obligé d'en parler comme ça. Quand vous avez du maïs, n'est-ce pas? Au départ, là, c'est enfermé. Et il y a des herbes qui servent de course. Et c'était des fleurs à un moment. Mais ça a enveloppé et à l'intérieur, il y a un épi. C'est cela comme ça. Et vous avez les grains tout autour ici. Partout là, des grains. Du maïs. Masango. Même en retournant à la maison, vous pouvez vous en procurer, observer. Mais tout autour ici, zinga, zinga, ce sont des feuilles. C'est jusqu'à ce qu'on ne décortique pas. Ça cache le grain qui est dedans. Et le multiple grain ici, c'est la reproduction du grain initial qui était semé dans la terre. Alors, généralement, vous l'avez sur l'arbuste là, du maïs. Et ça pousse là comme ça. Et vous avez les feuilles tout autour. Mais une fleur qui se formait après Samiri. À un moment donné, c'est caché. Vous ne voyez aucun grain. Vous ne voyez que la balle. Mais quand le laboureur vient, il constate que Samiri, plus le sommet de ce feuille ici, ce cartes se dit. Et la petite tête ici de l'épi, a tendance à ressortir dans les feuilles. Et vous savez, à un moment, le même fruit ici, mais qui se retrouve à moitié couvert. Donc, le fruit est dehors, et les feuilles font ça. Elles sont dilatées sous la chaleur, et elles peuvent même ressortir le grain. Et vous voyez à un moment, et les feuilles, et le fruit distinctement. Donc, si le laboureur tarde à venir pour cueillir, là même sur la vista, vous aurez ça. Vous savez que le fruit a mûri. Et il est visible même. Vous pouvez éviter que le pollen et les profanes viennent amasser ça. Le propriétaire du champ viendra vite cueillir ça. Il laisse la tige ici. Et dès qu'il aura cueilli, les feuilles ici qui servaient de couverture pour accompagner la maturation, la maturité du pain, les feuilles là seront dépouillées. C'est ce qui s'appelle la paille. Elle devient inutile. Après avoir été utilisée pour accompagner le grain à mûrir. Pour que le maïs mûrisse à telle la maturité. Pour être consommé. Pour être utilisé, pour être amassé, dans le magasin du propriétaire. Alors la paille, c'est la paille. Le maïs, c'est ça le vrai grain. C'est la Bible ici appelle le blé. Parce que ça croit ce sont tous des céréales. Ils croient que ce sont de la même manière. Ici chez nous en Afrique, sous les régions tropicales, on cultive le maïs. Mais là, en Orient, avec le climat qu'ils ont là-bas tempéré, ils cultivent le blé. Mais les sont des céréales. Le sorgho aussi, c'est du céréale. Ça suit presque la même logique dans la croissance de ce que nous présentons. Maintenant, L'Église de Christ devait atteindre la maturité. Et que dans ce dont l'Église, le Seigneur a besoin, c'est du grain original, la semence parole qui était tombée en terre depuis le jour de la Pentecôte. Le message original qui a produit le premier chrétien, semblable à Christ. On a reconnu pour avoir été avec Jésus. Mais au cours de l'histoire, il y a eu des mélanges. Les appels et les appels. Les trois sortes de croyants répondaient. Et le Seigneur a supporté. Et le frère croit ensemble. Avec l'ivresse. Et que la balle accompagne la semence. Mais là où nous sommes arrivés, Frère Branham a appelé les pentecôtistes. Ils sont tombés. Il les a appelés la paille. La dernière dénomination. Ce sont les pentecôtistes. Et vous avez déjà même l'équipe. Et vous avez déjà même le groupe de prière. C'est la paille. C'est-à-dire, ce soir-là, qui a empêché à un moment de voir la véritable église. Mais le Seigneur a commencé à les écarter. En lançant un cri de minuit. Il appelle les vierges à s'apprêter pour la venue de l'homme. Alors quand le cri de minuit vient au départ, ça semble réveiller toutes les catégories. Et les vierges Paul et les vierges de Paul, toutes se sont réveillées. Toutes cherchent le Saint-Esprit. Toutes parlent de la venue du Seigneur. Tout le monde parle de l'enlèvement. Même dans les groupes de prière, on parle de l'enlèvement. On dirait qu'il n'y a pas de distinction. Parce que la paille et le grain sont encore attachés quelque part. Ils étaient voulus ensemble. Mais plus vous avancez, plus le grain ressort. Et il se distingue, s'écarte de la paille. Dans un sens, comme si nous sommes attachés, on chante aussi les mêmes chansons. Ton afomo a desolu. Ton amo yami. Vous l'enquêtez. Voyez, vous allez chez le professeur. Ok, ça y est. Vous allez dans les assemblées messages. Ok, il n'a pas. Matonga, ça y est. Mon Dieu, plus près de toi. Quelle est l'église protestante? Voyez, ma gamme. Na. Be le ma na yo to kanga mi ok kuna oye pe o ben to se meninga moko ti wapi difference kas ok se ni la niwa pe la paille hein pa la sushi si to bene na scena na ko rataché ni dali ko kanga na scena yango ana tanto tu regarde tu vois la paille bala moso to lobo na titi tanto tu regarde tu vois le grain. Les vrais croyants qui veulent devenir paroles ne peuvent pas évoluer ici. Par le message de minuit, le message promis d'Étienne soir, ils ont quitté là, ils sont petits. Mais par la souche ici qui nous attache à la vie, nous sommes liés. Et nous prions tous au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. N'est-ce pas que ça semble être ça? Nous lisons tous la Bible. Et les explications sont fournies à la chair. N'est-ce pas que ça semble être simple? Mais les propriétaires des champs, le Seigneur de l'univers, il a son van à la main. Quand il vient, il n'amassera que le blé. Et puis il prendra la paille pour la jeter dans un feu qui ne s'éteint pas. Et toute cette racaille dénominationnelle. Même des certains faux frères et sœurs qui ont fait semblant de quitter les dénominations, mais qui n'ont pas la vie du message. Ils vivent n'importe comment. Ils prêchent n'importe quoi. Notre message prend la Bible comme ça l'absolu. Mais il y a cette racaille là de chant. Il y a cette racaille là de chant. Ils n'ont aucun accès à l'autorité de la parole. Pire que les dénominations, la paille qui est à côté. Ma demi coléka, ma sœur va lui faire la même chose. Que même les pentecôtistes ne veulent pas avaler. Ma cambo, à tabac, on a quitté la rue comme elle est en haut. On trouve ce soi-disant courant des messages. Mais qui nous sort que de la paille. Ma salle, vous voulez ma tissu. De la mouille. Mon coulou. De la vermine contre les jugles de la maison des dieux. Ils sont du poison. Ma salle, parce que mieux vaut être identifié dans les dénominations comme vierge folle que donner l'impression d'appartenir à l'épouse et d'être pire que les vierges folles. Chers amis, c'est pitoyable. Mais le Seigneur vient, celui qui va arracher. Ce n'est pas nous. Parce que quand il a parlé de livrer, il a dit, livrer et la bonne semence, c'est le Seigneur qui va. Ce n'est pas un prédicateur qui viendra séparer, faire le triage. Mais le Seigneur lui-même qui revient, il connaît ce qui lui appartient. Et quand il viendra, il réservera au vrai blé, au vrai maïs, sa place, et la paille, sa place. Dites-moi quand Jésus va revenir. Parce que vous voyez les Branhamites. Ils sont en train de l'humilier comme ça partout. Ils disent que Branham vaut mieux que Jésus. Et vous me dites que Jésus va revenir pour enlever l'église. Et puis il va prendre ceux-là qui aiment Branham plus que Jésus. Vous pensez vraiment? Alors là vous ne le connaissez pas? Cherchez à le connaître. Cherchons à le connaître. Tous ceux qui n'honorent pas le Fils, dit la Bible, le Père ne les honorera pas. Le Père ne les honorera pas. Vous devez honorer le Fils Jésus-Christ. Si son nom ne vous dit plus rien, si c'est devenu un valet, alors les choses sont cuites pour votre enfant. C'est trop tard pour votre enfant. Le nom du Seigneur est le seul nom de Dieu. Jésus-Christ est le seul nom de Dieu. William Branham a marché les chars. Il a traversé dans cette foi. Il a l'étatu, quatre la condition. Son âme repose en paix. Bon, on est dans le côté malatigné. Quand il va réciter, je chanterai de lui. Nous chanterons croix, c'est le. Amen. J'ai parlé encore de ça vendredi. Je n'ai pas ici. Moi, j'ai tellement honte. Mais dans la gloire il y a un corps merveilleux. Que Dieu a façonné, créé pour nous. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Et je sais que c'est une évidence. Même si c'est qu'on est faillible, il peut tomber malade. Il peut paraître faible. Il peut paraître surmené. Il peut au-delà de tout. Pour ça, la carte du coronavirus. Oh, miséricorde. Mawa. Il peut paraître en état. Et pourquoi comment arrêter? Je suis toujours en état. Oui, ce matin, j'avais prévu de recevoir 20 personnes. Mais j'ai arrêté que 10 dossiers. Imaginez. Mais malgré les deux dossiers, il s'est amené encore à la réunion à l'État. Voilà ce qu'on a avec ses limites. Et on doit porter ce fardeau comme ça chaque jour. L'État que Dieu nous secoue. Que Dieu ait pitié de nous chaque jour. Que les enfants de Dieu soient cléments. Mais nous ne sommes pas dans les mêmes réalités. Si toi tu vas prendre le retard du frère Branham comme modèle, nous sommes le retard de pasteur David comme modèle, nous sommes détruire l'église. Si vous détruisez l'église, Dieu vous détruira. Donc, faisons le bien. Pour ça, là, chacun dans sa réalité. Battons-nous pour faire mieux. On n'est pas forcément dans la même réalité. Vous allez dans ce sens, on a ma cambole. Le prédicateur doit être modèle. Mon Dieu, c'est bien dans la montre en date ça. Ça c'est oui et amen. Voilà, j'ai dit, il est comme le bonbon. Mais s'il peut arriver une faille, c'est que je vous fais dans la montre. Je ne suis pas votre modèle. Il y a un mot commun dans la vérité. Appelez faille faille. Le mal reste mal. Mais le bien, c'est ça l'exemple. Soyons une église de chrétiens. Dieu veut des gens comparables à lui. Chacun doit lire à sa manière. À son niveau. Pour être le meilleur du groupe. Faites bien. Et si Dieu allait utiliser le prédicateur pour le rejeter après? Parce qu'il est souverain. Toi, tu vas rater le seul à cause du prédicateur. Pratique la parole. Pratique la parole. Ce que la parole te dit, fais-le. Sois un chrétien modèle. Je t'encourage. Je t'encourage à être ponctuel. Ponctuel. C'est possible. J'ai dit que c'est possible. Ok. Même si c'est qu'on a des failles. Il y a un autre meilleur là-bas. Que Dieu nous a réservé. Dès que celui-ci est foutu. En 3-5 minutes. La minute et dans l'autre. Là où il y a une meilleure voie. Et pas y'a pu m'en gouer à ma lame, tu peux gouer à ma lame, n'y est pas. Et ça là qui est. Je disais que le Seigneur a laissé croître et livrer et la porte de la mais il va les séparer à sa venue. Ici il y a la parole. Dans Matthieu au chapitre 13, le Seigneur nous montre ceci. À partir du verset 24, voilà, jusqu'au verset 30. Et il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Il s'est délivré parmi le blé et s'en alla. Parce que j'ai dit, lorsque l'herbe y poussait et donnait des fruits, livré par lui aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé la bonne semence de ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, j'ai dit au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Voyez ce qu'il va faire. Ça, c'est la parabole en forme brute. L'explication de cela. Verset 36 à 43. Alors, il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrets du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Les vrais, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache les vrais et qu'on l'achète au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bien-aimé, ici, le maïs dont nous avons parlé, en indiquant les écorces qui sont de feuilles, il peut être la bonne semence dans le champ du maïs d'un propriétaire. Là où ce propriétaire le cultive, il peut se faire qu'à côté du maïs qui est ce que lui a semé. On peut avoir des chardons et des épines qui poussent. On peut avoir toutes sortes d'herbes inutiles là. Dans le langage de Matthieu 13 ici, on n'est pas trop allé au détail. C'est pas grave, avec la paille. Mais le Seigneur utilise l'arbuste ici du maïs. Vous mettez la bonne semence. Et dans le même champ, il y a aussi la paille. C'est-à-dire les mauvaises herbes. Les herbes inutiles qui ne sont pas cultivées. Mais que le propriétaire du champ va souvent sarcler. À sa vraie semence de croître énormément. Alors, dans la parabole de l'ivraie du champ, ce que représente la paille ici, l'ivraie, c'est presque la même chose que la paille ici, qui est inutile à la fin. Pour le grain de blé. Donc, le sort de ça, vous voyez dans la Bible, Matthieu 3, verset 12. Le sort de la paille, c'est d'être brûlé dans un feu qui ne s'éteint pas. Et le sort de l'ivraie du champ, dans Matthieu 13, c'est de finir dans un feu qui ne s'éteint pas. Donc le sort de la paille, est le même sort que le sort de l'Isée. Si il y a le plan prophétique, c'est la même chose. Mais seulement nous gardons les deux angles, chacun dans son aspect. Alors, livrer du champ n'est pas l'apportement. Livrer du champ, c'est sur les fils qui malades. Amen. De la même façon, la paille ici n'est pas le grain de blé du maïs. La paille, c'est ces herbes irritées qui doivent finir par être brûlées. Amen, amen. Faisons une pause. Encore, on revient ici à ma secrète. On parlons de deux versets. Pour que vous compreniez la parole, chacune dans son contexte. Il est dit ceci. Matthieu 13. Il est dit au verset 41 et 42. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Mais même là où l'évangile du royaume est prêché, le message véritable est prêché, nous avons encore autour de nous des scandales et des gens qui commettent l'iniquité. Y a-t-il pas des pasteurs qui scandalisent? Par les fausses doctrines du prêche, et par la vie d'adultère, d'impunité, de mensonges, d'escroquerie, des pasteurs escrocs dans les milieux de l'État, qui prennent des dettes et ne payent pas, mais ils sont à la chair en train de faire. N'êtes-vous pas là? Vous allez voir là-dessus? Ces gens-là aussi sont là. Mais le temps vient où les anges de Dieu seront envoyés. Tous ceux qui causent des scandales là, seront écartés du royaume. Pour n'avoir que le rassemblement du vrai blé. Pour n'avoir qu'un rassemblement des vrais fils et filles de Dieu. Un mélange de doctrines hybrides. Heureux ceux qui attendent ce temps de rassemblement. Heureux ceux qui attendent ce temps. Jetez les regards dans la parole prophétique, voyez que c'est proche. Dieu va le faire. Ça ne peut pas faillir. Il dit, verset 42, et ils les jeteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Ça, c'est le sort de livrer du champ. La finalité de livrer du champ. C'est cette fournaise ardente. Il y aura des pleurs et des graissements de l'eau. Mais dans Matthieu 3, au verset 12, comme je l'ai dit, il a son pain à la main. Il nettoyera son air. Nettoyer veut dire quoi? Enlever toutes les saletés qui sont encore dans sa surface. N'est-ce pas la même chose qu'envoyer les anges pour ôter du royaume, enlever du royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. N'est-ce pas un balayage sans pitié, sans sentiment, sans sentiment. Tous ceux qui causent les scandales, et tous ceux qui commettent l'iniquité, hors de l'église. Ne voyez-vous pas la même chose? Il a son van à la main. Il nettoyera son air. Pourquoi il va nettoyer son air? Parce qu'il veut purifier son champ. Pour n'y retrouver que le blé sale. Que toutes les saletés, tous les déchets soient évacués. Il a son vin à la main. Il nettoyera son air. Et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Pour que tout le monde soit Or la paille a pour rôle d'accompagner le blé. D'entourer le blé. Mais ce n'est pas la semence que le propriétaire cherche. La paille, elle sera la paille, c'est dont le propriétaire a besoin. C'est du blé de vrai fils du royaume. Faites tout de figurer parmi les régénérés. Parmi ce que la semence parole reproduit. La semence qui était tombée à l'origine. L'évangile que Pierre et Paul ont prêché. Pas de nouvelles théories. Pas de doctrines étrangères. Pas de fausses doctrines. Mais la parole originelle. Car la parole parlée. Et la semence originelle. Vraiment, il a prêché exactement comme Pierre Paul. Que ce soit cette parole-là qui engendre aujourd'hui. Qui confirme l'identité de fils ou de fille. Quelles sont les prédications qui sont conduites à la nouvelle échelle? Si ce sont les fausses têtes, c'est que tu es un fils du malade. La semence reproduit selon. Mais on ne peut pas mélanger les prédications du groupe de prière avec le message. Pour devenir un enfant de Dieu, il ne plaît pas la doctrine du pendredi avec le message ensemble. Pour devenir un enfant de Dieu, les hybrides sont promis. Vous finirez comme la paille. Vous finirez comme les hybrides. Vous c'est de la pire semence. Mais c'est de la pire parole. Soit c'est le message. Soit c'est lié comme doctrine. Pourquoi? C'est soit le message. C'est le message biblique. Scripturaire. Confirmé dans la Bible. Mais par quoi? Quand c'est le messager, doit être enseigné dans la Bible. De telle sorte que même sans lire le messager, vous pouvez présenter la même vérité grâce à la Bible. Défendre ce que vous dites, en lisant ça, à partir de la Bible. Et c'est là le test qui fait tomber tous les faux prophétiseries. Tous les faux prophètes qui pilillent. Comme Ézéchiel a dit, on est dans des ruines. Tous les prophètes ont Israël. Des petits malins. Des renards de péché dans nos troubles. Il prêche ceci, il prêche cela, il prêche ceci, il prêche cela, comme des renards dans des ruines. On a des assemblements religieux déjà ruinés par des vieilles dénominations. Rançonner et de prier. Prier par les théologiens. Si vous avez fait le fruit dans le milieu du message. On a encore des renards dans des ruines. Ça va tu en avoir libéré des malades qui viennent vous dire. Profitez de vos écrits et dirigez. Séparez-vous du Dieu. Séparez-vous. Votre âme est précieuse comme 10 000 mondes. Voilà, n'y mettez pas n'importe quelle semence. Séparez-vous. Dieu a dit ça. Comme des renards au milieu des ruines. Vendredi, je vous ai raconté la légende du corbeau et du renard. Je ne savais pas que j'allais lire aujourd'hui Ézéchiel 13. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il Les prophètes d'Israël, pas les prophètes de Dieu. Dieu compare les prophètes d'Israël, qui Israël considère comme prophète, mais qui n'était pas le prophète envoyé de Dieu. Où il y a des gens auxquels vous donnez le titre les serviteurs de Dieu, mais que Dieu ne connaît pas. Qui n'a jamais envoyé. Mais c'est vous qui les appelez prédicateurs. C'est vous qui les appelez ministres. C'est vous qui les appelez hommes de Dieu. C'est vous qui les appelez pasteurs. Mais Dieu ne les connaît pas comme ça. Ça nous sont que des humains, des menteurs. Et tel des renards au milieu des ruines. Voilà, parce que c'est prophète au Israël. Être nourri et conduit par des gens pareils. Mais c'est très pitoyable, non? Voilà, hein?